Bonjour, vous écoutez l'émission numéro 27 sur le Terminus. Je m'appelle Jean-François. Vous allez entendre aujourd'hui une sélection de chansons qui a attiré mon attention depuis la dernière émission qui remonte quand même un mois déjà. Alors par exemple, il va y avoir du Radio Department, Siskiyou, Gliss, Eulogies et plein d'autres choses. On va commencer avec le groupe PS I Love You qui sont originaires de Kingston en Ontario. Ils font une espèce de pop-rock sans trop de vernis. Leur premier album, Meet Me at the Monster Station, a été quand même bien accueilli dans les médias à sa sortie l'automne passé. Voici la chanson Get Over de PS I Love You. You know I Questions of mine, or are they memories? Coughing up dreams and thoughts. What did it lead to? Where did it lead to? I don't know. I felt a real connection. La chanson Shanghai de Galaxy. Le groupe mené par le guitariste et réalisateur Olivier Langevin est de retour avec un troisième album appelé Tigre et Diesel. Autrefois appelé Galaxy 500, le groupe a décidé de se rebaptiser Galaxy uniquement pour éviter les contraintes légales qui étaient liées au fait de porter le même nom que le groupe alternatif américain de la fin des années 80. On constate également une progression dans le son du groupe qui délaisse un peu le stoner rock des débuts pour intégrer des éléments plus dansants dans ce nouvel album qui s'appelle, je le rappelle, Tigre et Diesel. Avant ça, on entendait le groupe Man Miracle, la chanson Multiples tirée de l'album The Shape of Things. C'est un groupe qui vient de Oakland en Californie et on débutait le bloc avec PS I Love You, la chanson Get Over. On poursuit avec Dead Man's Bones, le projet folk rock de Zach Shields et de l'acteur Ryan Gosling. Voici la chanson Papa Power sur le Terminus. Streets, burn the cars, p-p-power, p-p-power. that you made it? Is your head in the sand? They're excluded. I don't care about them. No, they don't matter to me. It's for us. Never Follow Suit du trio suédois The Radio Department, qui était en spectacle au Petit Campus de Montréal il y a environ un mois pour faire la promotion de leur dernier album sorti l'année dernière qui s'appelle Clinging to a Shame. En résumé, un assez bon spectacle, quoique le groupe est assez statique sur scène, peut-être est-ce un souci de perfection, mais un bon spectacle de Dream Pop. Dans le dernier bloc, tout juste avant, il y avait Eulogies, la chanson You Hide, tirée de l'album Tear the Fences Down. Les Eulogies sont sur le même label que The Deers, Danger Bird Records, et leur album est sorti au mois de janvier dernier. Avant ça, il y avait Dead Man's Bones, la chanson Papa Power de l'album Dead Man's Bones, sorti en 2009. On se dirige maintenant vers un bloc folk assez sombre sous le thème Je me gratte le bobo, ça fait mal, mais j'aime ça. Il va y avoir du Siskiyou avec Podcast et Will Streeton. Et ça, c'est sûr, le Terminus. Didn't wait too long, did you? I guess we're just pretenders. I guess you're not as tender as you felt. You didn't waste no time, did you? How could I be so bitter? I tried to quit right from the very start. How could I drag my feet so far? Why didn't I just tell you you're pretty, but I never felt a thing? Oh, 'cause that would be a lie, just like the things you said each night. You can only lie when lying in the dark. Every night I pray for something interesting to say, but you never even caused a single spark. I learned my lesson, dear, you can be sure. I won't be wasting time that isn't mine. I've tried my share of poison, some was dark, some clear, but yours was the first that had a line. I don't regret a single thing. You can be sure. Every time you smiled was a lesson that I learned. Like the things you said each night, you can only lie when lying in the dark. And every night I'd pray for something interesting to say, but you never even caused a single spark. première fois que je t'aime. C'est la première fois que je t'aime. Pas très joyeux tout ça, n'est-ce pas? J'espère que tout le monde va un petit peu mieux aujourd'hui. Alors, dans ce bloc folk, on avait tout d'abord Will Stratton, qui est un Californien de seulement 23 ans et qui est le protégé de Surfen Stevens. Son album New Vanguard's Blues, qui est sorti l'automne passé, est déjà son troisième en carrière. Vous avez entendu la chanson Lying in the Dark. Si on voulait, on pourrait classer Will Stratton dans la même catégorie de ces nouveaux artistes folk à la manière de Tallest Man Unhurt, qui a beaucoup de succès quand même actuellement. Ensuite, on entendait avec Podcast l'éclaircie de Pauline, tirée de l'album Dans la nature jusqu'au cou, qui est sorti en 2008. Avec Podcast, ça c'est le groupe du réalisateur Sébastien Lafleur. C'est un peu pour ça que j'en ai fait jouer, parce que j'ai vu dernièrement son deuxième film En terrain connu, qui est sorti à la mi-février. Malgré quand même un bon succès critique, le film semble pas avoir décollé au cinéma. faut dire que c'est pas facile d'entrer dans son univers. Si vous avez vu son premier film Continental, un film sans fusil, c'est un peu dans la même veine. Cette fois-ci, la fleur met en scène des personnages dont la vie, encore une fois, semble assez plate, mais dont des accidents vont permettre d'évoluer en quelque sorte. Donc c'est un film assez lent, absurde à plusieurs moments, mais qui se termine avec une belle ouverture. Ensuite, il y avait Siskiyou avec Never Ever Again, vous avez compris. Siskiyou sera en spectacle le 10 mars prochain avec Will Driving West à la Sala Rosa de Montréal dans le cadre du festival Under the Snow. Je vous recommande vraiment de jeter un coup d'œil à la programmation de ce festival-là, alors qu'il y a plusieurs spectacles intéressants qui seront présentés du 9 au 13 mars. Par exemple, il y a les Zoobombs, Surface of Atlantic, Escarmica, Alcoholic Fat Mission, entre autres, qui seront présents. On retourne en musique avec Gliss, la chanson Morning Light. Still, no one asked you to. Vous écoutez toujours le Terminus. Le temps d'un dernier micro pour vous parler de ce qu'on vient d'entendre. Il y avait tout d'abord Gliss avec Morning Light tiré de leur album Devotion Implosion. Ensuite, on écoutait du post-punk en provenance d'Italie avec le groupe Soviet, la pièce Casino qui est extrait de leur tout dernier album qui vient de sortir, Nice. Et on avait conclu ça avec Triangulo de Amor Bizarro, la pièce Amigos del Género Humano, tirée de leur excellent album Año Santo qui est sorti l'année dernière. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire au info@leterminus.ca. On va se quitter maintenant avec le groupe Peppercut qui ont sorti un nouvel album le 1er mars dernier sur l'étiquette de Seattle Sub Pop. Cet album-là s'appelle Fading Parade, mais nous, on va entendre une chanson extraite de You Can Have What You Want, leur album précédent. La chanson s'appelle Future Primitive de Peppercut. C'est pas mal ça qui est ça. Portez-vous bien. À bientôt!